Wayo de putain, la discussion vite comme une clope à cause des voix et des consonnes que je note sur une shit ou de l'alcool que je drink avec mes potes. Grâce à ça, on forgot nos problèmes. Je rappe comme je respire, j'ai l'hip-hop dans les gènes. Je ferais pas sans ça, c'est comme mon oxygène. Jour comme nuit, dans ma tête et dans mes rêves, sans trêve. Sous le soleil ou la pluie, c'est comme la rage ou l'orage en dedans de mi. Mes sentiments n'ont pas de prix. Je compte en rien, on me t'aide pour un de mes appuis. Mon groupe, ma famille, bref, ceux qui me veulent du bien. C'est pour eux que je fais tout ça, je leur dois au moins. Partie de ce que je reçois, même si c'est pas grand chose, c'est mieux que rien. Je serai prêt à tout, faut d'ose. Faut se défendre sans pause, pas se faire descendre dans la descente. Je vais me prendre un cap, ceux qui me respectent et me veulent du bien. Bientôt vous allez voir le fruit de mes efforts, tous mes biens. Je les dois, tous mes parents, ça bougerait pas grand chose. Peut-être bien que je serai en dedans, enfermé en quatre murs. Ce serait pire que la torture, j'aurais pas de futur, rien à l'horizon. Ma dernière solution serait la pendaison. Mais maintenant je suis rendu, j'en ai plus de raison. Ne vous en vouloir, c'est grâce à vous si je suis dans le milieu. Je fais une dédicace à vous, mes vieux. Ils me suivent depuis ma naissance, jusqu'au jour où j'y serai plus. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. Pas se retrouver avec plein de corps, en plein n'a pas bien longtemps. Pouvoir c'est de voir mes corps, dans ce qu'on veut faire notre bonne main. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. C'est pas tout le monde qui est d'accord, chacun doit respecter son prochain. Soit c'est de la fin qui sera prochain. Si t'as souhaité que tu sois différent de l'avenir prochain, non mais sans rire, croyez vraiment que tu vas bien. On ferait mieux de te respecter au lieu de faire le mal pour nos biens. Non, je fais pas de smagrie, mais même si malgré ça, on est toujours voué au très fort. De voir si tu veux ce que j'aime, si je l'accepterai pas. Si chacun ici bas ne vivrait que dans le désir, voir périr tous ceux qui l'entourent. Imaginez ce qui se passerait tout autour, si on checkerait les cadavres comme des beaux. Tout le monde crierait attention, bientôt ça va être à ton tour. Ça serait pas l'enfant, comme ça que le monde en bas. Mais pas loin bonhomme, j'suis peut-être pas le bonhomme. Pas le genre de prophète, le texte est important que mes prophètes. Ce que t'entends sur ce son, je veux pas que ça arrive à personne. Ça c'est l'histoire de violence entre personnes. Les sept péchés, dans le village gourmandise l'adultère. Ils sont plus en plus pratiqués, c'est encore qu'à plus d'adultes. C'est tard, tu vois ce qui se passe, moi j'ai envie de me taire. J'avance peut-être pas la solution, je vous donner ma vision, mon point de vue. Pour arrêter de commettre ces bévues, pour qu'il n'y en ait plus qui portent silico, ni vu ni connu. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. Pas se retrouver avec plein de corps, en plein n'a pas bien longtemps. Pouvoir se voir mes corps, lorsqu'on ce qu'on veut faire notre bonne main. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. C'est pas tout le monde qui est d'accord, chacun doit respecter son prochain. Sauf c'est de la fin qui sera prochain. Ça continue de représenter sans jamais mettre un terme. C'est peut-être un aspect terne à cause des tas de personnes qui vivent jusqu'au jour où l'on entend mon seul. Qui ont fait de bon temps à autre. J'ai fait que c'est qui va donner le pain aux pauvres. Comme Jésus avec ses 12 apôtres. J'ai peut-être pas encore trouvé ma vraie voix. Mais pour l'instant, c'est avec ma voix que je fais ce que je dois. Souvent, c'est bon de s'arrêter un moment pour réfléchir. Le moment est passé, pas que la situation peut. J'suis pas à la tête d'un empire, à part peut-être la mienne. Car seul moi est en droit de décider de ce que je vais devenir. Le monde dit que je suis rien qu'un adolescent. J'ai pas assez vécu pour dire de quoi que du bon sens. Mais moi je crois vraiment que de seule personne, car dans mes veines coule leur sang. C'est pour ça que j'utilise ma dernière rhyme pour eux en les remerciant. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. Pas se croire avec plein de corps, en plein n'a pas bien longtemps. Pouvoir se voir mes corps, lorsqu'on veut faire notre bonne main. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui dans notre ère du temps, ça se répétait encore, si un pour tous, tous pour un. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord, chacun doit respecter son prochain. Sauf c'est de la fin qui sera prochain.